Par Saint-Georges, je suis tombé. Ah, ah, c'est toi, Bordu. Ah, mon ami, nous sommes bien heureux, ainsi que toute la compagnie, de te retrouver. Je vais te faire cuire à petit feu. Messieurs les finances, allumez du feu. Ah, ah, ah, oh, ah, oh, je suis mort. C'est au moins un coup de canon que j'ai reçu. Ah, ah, ah mon Dieu, pardonnez-moi mes péchés. Oui, ah oui, c'est bien un coup de canon. C'est un coup de pistolet chargé à poudre. Ah, tu te moques de moi, encore. À la poche. Il se rue sur lui et le déchire. Père Ubu, nous avançons partout. Mais je le vois bien, je le vois bien. Je n'en peux plus, je suis criblé de coups de pied. Je voudrais m'asseoir par terre. Oh, oh, oh, ma bouteille. Allez prendre celle du tsar, Père Ubu. Oui, j'y vais, de ce pas. Allons, allons, sabre à merde, fais ton office. Et toi, croc à finance, ne reste pas en arrière. Hein? Que le bâton à physique travaille d'une généreuse émulation et partage avec le petit bout de bois l'honneur de massacrer, creuser et exploiter l'empereur moscovite. En avant, monsieur notre cheval à finance. Il se rue sur le tsar. En garde, majesté! Tiens, toi! Oh! Aïe! Aïe! Ah non, non, non, mais tout de même! Oh, oh, monsieur, pardon! Non, mais laissez-moi, là, là, laissez-moi tranquille! Non, mais je ne l'ai pas fait exprès! Il se sauve. Le tsar le poursuit. Ah! Ah! Sainte Vierge! Cet enragé me poursuit! Mais qu'est-ce que je fais, grand Dieu? Ah, ah bon, il y a encore le fossé à repasser! Ah! Je le sens derrière moi! Et le fossé devant! Courage! Fermons les yeux! Il saute le fossé, le tsar y tombe. Bon, je suis dedans. Hourra! Le tsar est à bas!